Les cicatrices, personne les voit. Elles sont pas sur ma peau, mais au fond de moi. Chaque trauma laisse une marque indélébile. Invisible aux yeux, mais bien réel. Fragile, enfance brisée, violence familiale. Papa qui buvait, maman dépressive, spirale. J'ai grandi trop vite, j'ai dû être fort. Protéger ma petite sœur à 8 ans qu'elle sort. Les mots qui tuent plus que les coups. T'es qu'un raté, tu seras rien du tout. Ces phrases résonnent encore aujourd'hui. Dans ma tête, poison qui me détruit. Cicatrice invisible, douleur permanente. Cicatrice invisible, âme saignante. On les cache bien derrière le sourire. Mais la nuit elle hurle jusqu'à nous détruire. Relation toxique, 3 ans d'enfer. Elle manipule et m'isolait de mes pères. Jalousie maladive, contrôle total. J'ai perdu qui j'étais, dommage mental. Le harcèlement au collège tous les jours. Les insultes, les coups, personne fait rien autour. Administration qui ferme les yeux. C'est des bêtises de gamins pendant que je souffrais vieux. Agression sexuelle dont je parle à personne. Honte, dégoût de moi-même qui empoisonne. La société dit que les hommes peuvent pas être victimes. Alors je garde ça enfoui, mon pire crime. Cicatrice invisible, douleur permanente. Cicatrice invisible, âme saignante. On les cache bien derrière le sourire. Mais la nuit elle hurle jusqu'à nous détruire. Thérapie, médicaments, j'essaie de guérir. Mais certaines blessures refusent de partir. PTSD, cauchemar récurrent. Le passé qui revient sans cesse, dévorant. Suicide de mon meilleur pote à 20 ans. J'ai pas vu les signes, culpabilité dévorante. Si seulement j'avais appelé ce soir-là. Phrase qui tourne en boucle, ne s'arrête pas. Ces cicatrices invisibles nous définissent pas. Mais elles font partie de nous, de nos combats. On apprend à vivre avec jour après jour. Transformer la douleur en force toujours. Cicatrices invisibles, mais on survit quand même. On est plus fort qu'on croit, même brisé on reste debout, crois-moi.